J'ai tant d'amour qui cogne dans mes veines et tant d'envie pour les vivre à demi. J'ai tant de rêves, même quand la nuit s'achève, je vais les vivre maintenant. J'ai tant d'images qui reviennent sans cesse, des prénoms, des visages, des ombres qui me blessent. J'ai tant d'espoir auquel je veux croire, je vais les vivre maintenant. Mais sans toi, j'ai tant besoin pour effacer mes peines, d'avoir de l'amour à donner. Ce que je veux, c'est oublier la haine, l'effacer, pardonner, recommencer. J'ai tant d'amour qui cogne dans mes veines et tant d'envie pour les vivre à demi. J'ai tant je vais